بسم الله الرحمن الرحيم. طيب سألك عن الكلمات أولا، ما معنى نهض؟ ما معنى أحدث؟ أحدث لا بس حديث. اسم تفضيل هذا. تعثر. سامبيتري. كما نقول لابو. أحوال. الأحوال. أو حل. أو حل. إيش هو المفرد؟ حول. أها. وحل. Comment on dit la brousse? Aral, al aral. Adral, adal jam, ou al mufrad? Dagal. Awaiq. Obstacle. Aïq. حباب. عباب. الفلو دي كلمة. نعم. مخر يمخر. السفينة تمخر. حباب الماء. سفينة. Fondre le cours des eaux. كوارث. معنى حوادث، انسيدون. انتاج. البرودوي. كلي. تبادل، يتبادل. دور. طيب الخامس، تقرأ جمل مع الكلمة. تقول لي فرادك لي ممكن تتخوفي إن شاء الله. تعال بوش طوح. تعيش كثير من الحيوانات المفترسة في الأبغال. نعم. Beaucoup d'animaux sauvages, yani prédateurs, vivent dans la brousse. يعتمد الإنسان على الله اعتمادا كليا في أموره. نعم. أحسنت. في أموره. لم تستطيع السفينة أن تبحر في النهر لعباب مائه. Là, il n'y a pas Obeb. Si, si Obeb, mais c'est pas ici qu'il va. Alors, Dahalati. Dahalati Ma'ili. Car l'eau n'est pas assez profonde. Il y a quelques heures, mais il y a كواكب التي نشهدها اليوم سببها الإنسان نفسه. ليس كواثر، كوارث. كوارث. par des accidents que l'on voit aujourd'hui, la première cause c'est l'humain lui-même, l'homme lui-même. Du coup, تكثير الأوحى لا شو بقى تكثير تكثر تكثير تكثر تكثر تكثر الأوحال في مناطق التربة التربة الطينية بعد نزول الأمطار نعم فهلا il y a beaucoup de boue dans les régions où il y a beaucoup de terre après la descente de la pluie. Ça a dit ça? Je pense que c'est تغثر تغثر المشي في طريق ال... في طريق في الطريق بالحجا بال حجارة والرمال تعثر تعثر نعم ايوه que la marche est difficile dans les chemins de pierre et de sable. Sabian يقاس يقاس التقدم نعم يقاس التقدم المادي للشعوب بمدى تقدمها في مجال العلوم سابعا ثامنا انطلقت السفينة تشق عباب الماء لا تعتمد على الحركات المذكورة في الكتاب في هذه حركات في pas attention toi تعتمد الآن على علمك C'est la fois que j'ai fait chaque fois, prendre. Tu l'as trouvé tout à l'heure. Je te demandais. Au bab. Intalakatil as-safinatu tashukku. Ah, ouais. Au bab. Ma foulbi. Au bab el-ma, leylan. Tashukku, ça veut dire quoi déjà ? Fendre. طيب سندخل في الدرس الجديد الدرس السابع إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى يعني في زمانه لأن إمام الدعوة مطلقا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم celui qui est Mohammed ibn al-Wahhab celui à qui les mubtadi'a les ignorants attribuent ce qu'ils appellent al-Wahhabiyya c'est un groupe qui sort de lui ses suiveurs alors que cet imam n'a rien apporté de nouveau il a juste fait un tajdid de ce qui avait été oublié Et tout ce qu'il a apporté comme da'wah est bâti sur le kitab wa sunna. Et il a appelé à ce qu'a appelé Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est que salaf a dit l'umma. Lakin el jahl ya akhi, c'est un poison qui aveugle les cœurs. Taïb. Les kalimat al jadida. Belda. Belda, c'est comme une contrée. Aoufan, ma'arouf, c'est le jam de wafn, c'est nidal. Sulbun, ou nabimana, osle, comme un wabaktuba. C'est l'origine, la base. Shubuhatun, ce sont les ambiguïtés. Nuzur, c'est le jam de nazr, ce qui est traduit par le fait de faire un vœu. Adriha, C'est le djem de Darih, c'est Qabr. C'est une tombe. Adriha, c'est un djem. C'est quoi le farad du coup Darih. Saddaya Suddu. assez bouchées, comment dire, ou faire obstacle. Tarsir, c'est le fait de, comme ça vient de rasikhina fil ilm, c'est le fait de bien ancrer une chose. Wasit, c'est une chose du juste milieu. Je pense que c'est ça qu'il veut dans le texte. Batha yabuthu, ma'ana aza'a, qui est le fait de répondre. Batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. Maktoub bijouari. Aza'a, le fait de répondre. Istinhad. C'est le fait de. Maintenant, haffa. Comme le fait de stimuler. Ittahada. Yad tahido. Karib ma'ana ni zalama. Le fait de persécuter, de tyranniser. Iddurra. Yuttarru. C'est le fait d'être contraint. Et là, c'est un. Mourir sira. Ta'ahada ya ta'ahadu, c'est comme le fait de s'habituer, s'accoutumer à quelque chose. Je ne l'ai pas trouvé. On s'est arrêté où? Mutakatif, c'est dans le livre, ils expliquent que c'est comme le fait de combattre en se soutenant les uns les autres, l'un côté de l'autre. L'abitha yalbathu, c'est le fait de demeurer quelque part. Wa raf'un, mazdar, raf'a yarfa'u, qui veut dire élever. طيب قال نشأ في بلدة العيينة qui est né dans la contrée du عيينة في نجد ونجد وتعلم بها il y a appris là-bas et là on voit que bi معناه في هنا ثم سافر إلى المدينة والبصرة ليتم تعليمه et ensuite il est parti Al-Madina et après Al-Basra pour compléter son apprentissage. Mais la ta'alimahu, je ne crois pas que ça convient. Ça aurait été mieux de mettre dirasatahu ou ta'allumihi. Ou l'ultima ta'allumahu. Ta'alim, c'est le fait d'enseigner. Et là, lui, il apprenait. Il n'était pas encore enseignant. Wallah alam. Wa ba'da zalika, après cela, a'ada, il est al-uyayna. Il est retourné dans son contrée de uyayna. Yad'u nasa, il est tawhidillah. Il appelait les gens au tawhid d'Allah. Wa tathir an-nufus min ash-shirk wa ad-dhalal. Pour purifier les nufus du shirk et de l'égarement. Wa ahammu shay'in shaghala dhi'nahu aw dhi'nahu fi durusihi wa li halatihi. La chose qui lui a le plus occupé l'esprit, Zin, là c'est l'esprit, dans ses durus, dans ses voyages, c'est le tawhid. Alladhi huwa imadu l'islam, celui qui est le pilier de l'islam. Fala asnam, wala awthan, walakinnaha al-ibadatu al-khalisatu lillahi wahda. Pas d'idole, sonam ou asnam, on a dit que c'est mutaradif. cependant une adoration pure et sincère pour Allah seul. Ala sharika ala, sans associé. Wa qad ra'a fi athna rihalatihi rihlatihi. وقد رأى في أثناء رحلاته المتعددة أن التوحيد الذي هو صلب الإسلام قد اختل. Et il a vu, lors de ses voyages, de son nombreux voyages, que le tawhid, celui qui est la base de l'islam, quand même, aujourd'hui, il est défaillant. ودخلوا كثير من الشبهات والفساد. Il était contaminé par beaucoup de shubuhat, d'ambiguïté et de corruption, de façade. Bihadi kubur al-awriya, par les tombes des alliés, soi-disant. Yahudju ilayha al-juhal wa taqaddum al-nisa laha al-nuzur. Que les ignorants, ils vont pour faire le hajj vers ces kubur, et que les femmes vont faire des nuzur, des vœux. Wa ya'taqid awam annaha qadiratun ala al-naf' wa al-dharar. Et que les gens de la masse ont pour croyance que cette tombe, du moins celui qui l'habite, a la capacité d'apporter un bien ou de repousser un mal. Et ces tombes, justement, sont bâties dans les pays des musulmans. وَرَاهَ النَّاسَ قَدْ أَشْرَكُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْعِبَادَةِ. Il a vu que les gens ont associé avec Allah autre que lui dans l'adoration. Et il a vu que ces choses-là empêchaient les gens d'arriver au tawhid. Et qui font du mal aux gens. Aux âmes, quoi. فَتَجْعَلُهَا ذَلِيلَةً ضَعِيفَةً. Qui les rendent avilis et faibles. وَكَانَ رَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَسْعَى فِي ترسيخ عقيدة التوحيد ورفع لوائها. Et qui lui s'efforçait justement de bien raffermir et d'ancrer la aqida du tawhid et d'élever son étendard. إن التوحيد الخالص هو التوحيد الذي يسير العبد بربه. Donc le tawhid qui est sincère, celui qui lie le serviteur à son seigneur. من غير وسيط. Là aussi, c'est plutôt intermédiaire. Non, tout à l'heure, j'avais dit juste milieu. C'est intermédiaire. Avant, on rectifie. En fait, non, c'est wasit, mais ils n'ont pas mis de tête. Wa wa tawhid al-fitra alladhi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. C'est le tawhid de la nature saine, première nature sur laquelle on est, par laquelle est venu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'taqadahu as-salaf as-salih. Ce pourquoi les salafs salih avaient pour croyance. وَقَدْ قَامَ الشَّيْخُ مُحَمَّدْ بِنَ عَبْدِ الْوَهَابِ بِتَجْدِيدِهِ وَمُحَارَبَةِ مَا أُدْخِرَ فِهِ مِنَ الْبِدَعِ أَوْ مِنْ بِدَعٍ. Et que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab s'est chargé de le renouveler et de combattre ce qui a été intégré comme innovation. Kamelt. هذه دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. Voici la da'wa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. فماذا كان شأنها ومصيرها. Comment était-elle et comment a-t-elle évolué. لقد بدأت دعوته برفق ولين بين قومه ثم أخذ يبثها بين المدن والقرى حثا على استنحاض الهمم. Donc elle a commencé en premier lieu sa da'wa avec la douceur au milieu de son peuple. Ensuite, il s'est mis à la propager dans les villes et dans les villages. Vous voyez, cela pour inciter les motivations, pour stimuler les motivations, akala, pour motiver les gens, quoi. Fimakafaha al-bida'a. Dans la lutte contre les bida'a. Wa rujou' ila l'islam as-sahih. Et le retour vers l'islam authentique. Wa qad stuhida wa ittuhida. Wa qad ittuhida fi baladi al-Uyayna wa turra ila an yakhruja minha. Et qu'ensuite il a été persécuté dans son pays, qui est le Hudaynah, parce que les gens étaient trop ignorants. Il était contraint de la quitter, cette contrée. Il est d'il'iyati maqarri al-Sa'ud wa hunaka arada da'watahu ala amiriha Muhammad ibn Sa'ud faqabilaha. Donc après s'est rendu à Dar-i-Iyya, à Dar-i-Iyya, qui était le lieu où vivaient les gens de Sa'ud, et là-bas il a exposé sa da'wa à son émir, qui était Muhammad ibn Sa'ud, qui l'a accepté. فتعاهد على الدفاع عنها. على استعاده لا non, c'est plutôt le fait de s'engager en fait. C'est aussi sa coutume, mais là ils veulent le fait de s'engager. حتى كتب الله له النصر. À tel point que Allah lui a écrit le secours. Lui a porté le secours. Car des mots peuvent avoir plusieurs sens, comme tu le sais. Après, en fonction du texte, le sens peut changer. هذه حياة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وهذه دعوته يعيشها المسلمون اليوم. Donc voici la vie de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Voici sa da'wa, et que les musulmans vivent aujourd'hui. هذا في نظر. La plupart des musulmans ne sont pas sur sa da'wa ni sur sa aqida. Aqidatan safiya, croyance pure. إيمانا ثابتا إن فوا فيرم هذا ما هو حل المسلمين في هذا اليوم هذا ما هو صحيح la foi est très faible et ébranlée et la aqida elle est souillée إلا من رحمه الله وتلك دعوته التي كانت مصابحا من المصابيح التي رفعها مسلمون كثير من في العالم الإسلامي et là il va sortir l'énormité justement que ça c'est sa da'wa qui était une lanterne parmi les lanternes que les musulmans ont élevé dans beaucoup de pays islamiques ou dans le monde islamique. Ka Jamaluddin Afghani wa Muhammad Abduhu wa Rashid Rida al-Mahdoudi rahimahumullah yani rahimahullah al-jami'. Donc là, c'était le nom de personnes, tous des égarés. Jamaluddin Afghani wa Muhammad Abduhu wa Rashid Rida Wal-Maududi. Tous des égarés, ces gens-là. Donc, si c'est l'exemple de la Da'wa Tawhid, c'est un gros problème. Jamal Eddin Afghani, il faisait passer pour un Afghan, en fait, c'était un quelqu'un qui vient d'Iran. Et c'était un franc-maçon, lui et Mohamed Abduhum. Et quand les Shamokbi, le Hum, les Kufr Akrab, ces gens-là étaient plus proches du Kufr que de l'islam. Et il démentait beaucoup de hadiths, surtout le hadith sur le Dajjal, ou les choses qui sont liées à Ashat al-Sa'a, les conditions de l'heure, les signes de l'heure, ainsi que les miracles accomplis par les Anbiya. Et même dit que certaines choses dans le Coran qui ont été citées sont aimées qu'elles ne sont pas citées. C'est un kalam kufr, c'est-à-dire que Allah ne me fait pas parler de cette chose-là. Mathalan. Et Al-Maududi, Maududi, c'est Ismuhu Abul A'la. Et lui, il avait du Tashayyur. Et c'était un imam parmi les imams de la Bida. Donc là, ces références ne sont vraiment pas des références. Des gens sont des francs-maçons et des gens qui ont des paroles de kufr et qui rejettent plein de choses du kitab de la sunna. Donc ils ne sont pas un exemple, ils ne sont pas sur la dawa de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et ça, malheureusement, tu vois ce qu'on t'enseigne dans cette jamiat comme référence. Wallahu musta'an. Ils appellent des gens à prendre pour référence des imams de l'égarement. Naam. Tammalt? Zid. Ana alifouk. Taïb. سنأخذ بعض إعرابات إن شاء الله. أتوم. إيوا. للغد أولاً، tu vas faire le تدريب الثاني فقط. ولازم تجتهد في حفظ الكلمات لأن قصد الكتاب هذا. تقوم بالvocabulaire. après حاول التطبيقات تتكلم بيه وتكتب حتى يبقى معك حتى انا استفيد في كلمات ما كنت اعرفها في هذا انا كلمات اللين la douceur متكاتفاً يعني en soutien ou turra avoir été contraint tarsikh le fait d'ancrer de raffermir shubhatun ambiguïté شمل الاولى يقول علينا ان نبتعد عن كل عمل فيه nous devons nous éloigner de tout acte qui contient ثانيا يجب اتباع والرفق في معاملات الصغار nous devons suivre et ainsi que la douceur dans les échanges avec les petits ثالثا على المسلم ان يعمل مع اخوانه لمنع العدوان que le muslim doit agir avec avec ses frères pour empêcher l'animosité. Pour repousser l'agression ennemie, quoi. Rabi'an, aada at-talibu qirat ad-dars marrat li'm al-ilm fi dhinihi. Que le talib a recommencé à lire le dars plusieurs fois pour la science dans son esprit. Khamisan, ar-rajulu an yu'ajjila safarahu limaradihi. L'homme de reporter son voyage à cause de sa maladie. Tayeb. نرجع لبداية يقول في النص نشأ في بلدة العيينة ما يعلم بالعيينة نشأ c'est une jumla fi'liya il y a pas de mutal al khabar نشأ في بلدتي العيينة très facile لا كيف ان بلدة il y a pas de l et عيينة il y a l et c'est le nom d'un lieu ça عيينة على سل جدا جدا هنا كنت تعلم هذا طيب ici, tu connaissais ça déjà. Pourquoi il y a une kasra? C'est un moudaf ilayhi. Fi baldati al-uyayna. Comme tu as dit, fi bayti Muhammad. Moudaf ilayhi. Balda, il n'y a pas de L, et le monde d'après, il y a un L, il y a une kasra. Moudaf ilayhi. طيب سؤال آخر. هذا اسم فعل وحرف العيينة اسم كيف تعلم كمان تو سيكس اسم نعم و دخول ال وكذلك دوزيام سين كون ابري ايوه Il y a un autre signe apparent. Al-Khafd. Akhilou. Kasra. طيب ثم سافر المدينة والبصرة ليتم تعليمه. ليتم ما يعلم ليتم نعم تعليل يتم في المضارع لم تعليل يعني منصوب حرف نصب لا لم تعليل سبع حرف نصب أبدا لم تعليل سي حرف ايش حرف هذا حرف جار لي حرف جار على حرف الجر يتم في المضارع منصوب بين المرا من مرا وجوبا وجوازا جوازا on va juste lui dire de faire un dernier à l'infini. يدعو الناس يدعو في مضارع منصوب لا وكم منصوب مرفوع مرفوع أيوة على رفعي علامة رفعي نعم أيوة علامة رفعية واو او سا سي ان نوفيل عرب كون كوني با سا دون لي افعال علامة رفعية يا با واو دون افعال دون لي افعال يا دو علامة رفع و ضمه طيب يا نون لا طيب هي هسه كو ضمه الاولى ضمه مقدره مقدره مانع من ظهورها ثقل الثقل ايوه سكم له يا اسد طيب قال واهم شيء شغل ذئنه شيء اسم فعل او حرف اسم كما تلسى تنوين و والخفض فلا اصنام ولا اوثان قل يلا ابدا اصنام اوثان بسم الله أحسنت لأن في الجنس أحد الإعراب لا حرف لا لا لا لا لا في ما في جنس مبني على السكون لا محل له من الإعراب أسلام اسم لا منصوب نعم على زبون سبيه فتح الفتحة الظاهرة على كلمة لا في الحقيقة ومبني عادي سواء مبني بس كسيئون على الفتح ومبني على الفتح طيب ولكنها العبادة ولكنها لا. حرف النصب نصب واستدراك أيوة حرف النصب واستدراك ما يعربها اسم لكن اسم لكن محل نصب ضمير محل نصب أيوة مبني السكون في محل نصب وعندنا خبر عبادته نعم عبادته لله وحده ما يا رب وحده هذا حال هذا حال وحده هنا يؤول بمنفردا لا شريك له حرف نفي نافي الجنس نافي الجنس مبني للسكون شريكة اسم لا مبني على الفتح في محل محل ماذا كم يزود منصوب في محل نصب وله جرب أيوة واختبرنا ماذا كما يكون صدير khabar. Ahsant. Aynahu yana. وقد قام الشيخ محمد إلى آخره. قام فعل حرف أو اسم؟ فعل. طيب فعل. كما تسا؟ كيف تعلم أنه فعل؟ قد. وقال لقد بدأت دعوته برفق ولين بين قومه ثم أخذ يحثها بين المدن والقرى حاثا. ما يعلم حاثا؟ على استنهاض الهمم. ما يعلم حاثا؟ Ça vient de Hath, Yahuthu, cette densité. Ah, ma folie. Comment en citant ça? Là. Kef. Hal. Hal. Ah, je me sens plus, j'ai dit Kef. Kef, c'est Hal. C'est un Hal, naam. Ya'ishuha al-muslimun al-yawm عقيدة صافية إيمانا ثابتا. لا je veux عقيدة صافية وإيمانا ثابتا. تقول كيف يعيشونها؟ تقول عقيدة. Ça rentre? Ça rentre pas. في هذه الجملة عندك إبهام. Il y a deux choses qui font un tafsir d'un ibham dans une phrase. Soit le hel ou soit. Ah, tamiz. Tamiz. Tamiz. Aqida, tamiz. Wa safiya, na'at de aqida. Wa imanan, tamiz. Thabitan, na'at de imanan. Ava. Tamam. Fanaqifuna al-yom. Alhamdulillah bil alamin.